Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bienvenue à notre programme dominical qui vous est transmis depuis Los Mochis, la capitale de la culture. Je suis Daniel Fouché au micro et comme d'habitude, Alejandra est bien sûr avec moi pour vous présenter les plus belles chansons françaises de notre époque. Aujourd'hui, nous avons fait choix de deux artistes qui passeront toute l'heure avec nous pour nous chanter avec les plus belles compositions. Et ce sont Claude Barzotti et Céline Dion. J'ai fait choix de ces deux chanteurs. Sans plus tarder, nous débuterons le programme avec Céline Dion qui nous interprétera « Comment t'aimer ». Mais avant ça, je vais laisser à ce que Alex se présente au public. Loin de toi, mon roi, se dit Hola, los mochis. Yo soy Alejandra Trasviña et je m'occuperai de jouer les chansons de Claude Barsotti, car il est un de mes chanteurs favoris. Alors, on se sépare Claude Barsotti, hein? Aunque tiene una voz muy extraña, je l'aime beaucoup. Tu sabes algo? Quand j'ai vu sa photo, no parecía, no podía poner esa cara con esa voz. No, nada que ver. Es como Eros Ramazzotti, ¿eh? Ajá. Eros Ramazzotti. No tiene nada que ver la voz con la cara de ese señor, ¿eh? Mismo por Claude Barsotti. Te voy a enseñar la foto, tú vas a ver. Ok, muy bien. Sí. Donc, Claude nous chantera une très belle chanson de son riche répertoire qui s'appelle... On a été un petit peu plus loin. Et c'est Claude Barsotti, c'est Céline qui va nous interpréter pour commencer. Comment t'aimer? Ah, Céline qui va commencer. Allons écouter Céline en premier lieu. Céline va nous chanter Comment t'aimer? Et ensuite, Claude Barsotti viendra avec Si ça ne va pas ce soir. D'accord? Ok. Tu vois, je ne sais plus très bien. Ni où tu vas, ni d'où tu viens. Mais je ne t'oublierai jamais. Mon compagnon, mon naufragé. On est en pleine mer, en plein cœur de Paris. Dans ton sourire amer, j'ai tout lu, tout compris. Tu t'es levé, tu m'as suivi. Comme un chien perdu son collier. Sans savoir, on s'est arrêté devant un bar et je t'ai dit: si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes tiroirs. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On sera ivre mort. On se ressemblera. On a traîné jusqu'au matin. On s'est inventé des chagrins. On a été jusqu'à se mentir. Pour pleurer, pour se faire plaisir. Et l'on s'est inventé d'impossibles maîtresses. Histoire de retrouver de nouvelles ivresses. Maintenant que tu es parti vers d'autres bars, d'autres pays, il m'arrive au petit matin de te rechanter ce refrain. Si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes tiroirs. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On sera ivre ou mort, on se ressemblera. Si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes tiroirs. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On sera ivre mort, on se ressemblera. Si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes doigts. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On sera ivre mort, on se ressemblera. Si ça va pas ce soir, viens et on ira voir. Tu pourras, si tu veux. Alex, dis-moi, comme c'est drôle que tu aies choisi un chanteur comme Barsotti, hein? Il n'a rien de mexicain, hein? Et ça ne te ressemble pas. Et profe, j'ai toute une collection de ses chansons. Et vraiment, ses compositions sont vraies. Il chante le naturel, il parle de ses sentiments, de ses relations avec d'autres personnes. Bon, ça fait longtemps que moi aussi je le connais. Oui, je connais Klaus Barzotti depuis longtemps. Et il a toujours attiré mon attention avec le lyrique de ses chansons, comme tu dis. Hein? Et on se rendra compte cet après-midi en écoutant quelques-unes de ses plus belles mélodies. OK? Et maintenant, au lieu de continuer avec Claude, nous allons écouter plutôt Céline Dion. Hein? Et Céline va nous chanter quoi? Un amour pour toi. Un amour pour toi. Tout le monde est en vacances maintenant, car dimanche prochain, nous célébrons la fête de Pâques. C'est pour tous les chrétiens une fête très grande, car c'était ce jour-là que le Christ nous a montré que la mort n'existe pas, et que seulement existe une transformation de ce corps que nous voyons. Bueno, no voy a entrar en hablar de religión, sí, porque es un tema muy complicado y produce guerra entre las personas. Cada quien piensa que su religión es la mejor. Persona entre países, ¿eh? Ajá. Mira lo que está pasando con los musulmanes, matando a la gente al nombre de Alá, matando a los infieles. No, es una cosa. Bueno. Sí, cada uno piense que sí, cada uno piense que, ajá, la que suya, será, suya es la buena, pues. La buena, ¿eh? Y en fin, nadie sabe nada, por seguro. Exactamente. Mira, el día que yo voy a creer yo, es el día que alguien viene del otro lado, no de los Estados Unidos, ¿no? Del otro lado, y me dice, Daniel, aquí, allá donde estoy, aquí están las cosas. Et mais dans la description, il va laisser muchas gracias et le va pagar, va laisser ok, espérame, yo viendo en un ratito. Ok. Está chiflado. Sí. No. Pero nadie sabe, pero cada uno está peleando por, bueno. Bueno. Así es. Bueno, entonces vamos a celebrar la Pascua. No tenemos que trabajar en estas vacaciones, ah, sino esa es la parte la más rica, ¿eh? Sí. No tenemos que trabajar. Ir a la playa. A la playa. A comer qué. ¿Qué le gusta comer en Baviri? El pescado zarandeado. Ay, ay, ay. Qué rico, ¿eh? Uh-huh. ¿Le gusta? Sí. Sí. Bueno. Pero mira, es muy caro en el Baviri, ¿eh? Ajá. Un pescadito aquí, ahí, te cuesta como 200 pesos, algo así. Pero es bien rico, ¿eh? Vale la pena, vale uh-huh. la pena. La próxima vez yo te voy a invitar y tú vas a pagar. Ah, qué chiste. ¿Qué chiste? Págame, préstame pues. No, qué bueno. Bueno. Antes de ir a comer el zarandeado, escucharemos una canción de Claude qui a pour titre Je ne t'écrirai plus. Ah, después iremos a comer el pescadito. Ok. Ok, pero no. Si usted paga. No, ese no. No hay fun. There is no fun. Mm. Like this. Ok. Écoutons Claude dans Je ne t'écrirai plus. Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Aimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. J'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes piqués à ce vieux fou du goût, lui qui savait dire je t'aime sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire et de Rimbaud et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus. J'ai fait. pour continuer le programme d'aujourd'hui. Oui, nous sommes très contents dans le studio aujourd'hui parce que nous sommes en vacances, il n'y a pas allé à se battre avec les élèves. Et nous avons en notre compagnie notre chère amie Céline Dion qui nous tiendra compagnie en nous chantant cet après-midi une très belle composition qui a pour titre « Ne partez pas sans moi ». Cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Chanson très commerciale de Céline Dion. Et c'est la prochaine sur le plateau. Elle nous parle du moins d'une religieuse. Je parlais d'une chanson comme ça au Canada. Ah, c'est grave, hein? Tu sais que les Canadiens sont très religieux, hein? Si tu vas au Canada, c'est comme si tu étais au paradis. Toutes les rues ont des noms de saints. Saint-Cyprien, Saint-Jean-Joachim, Saint-Jacques, Saint-Le-Majeur. Tu as l'impression que tu es au paradis. Toutes les rues ont des noms de saints. Quand j'étais au Canada pour la première fois, comme j'ai ri, hein, c'est comme si il ne manquait que Saint-Pierre à la porte du Canada, de Montréal. Oui. Et la chanson en parle d'une religieuse qui a des idées bien drôles, hein. Elle paraît même frustrée d'être religieuse. Écoutons bien les paroles de cette chanson qui a pour titre « La religieuse ». Même à genoux, même en prière, elle se souvient de l'Italie. Jésus-Marie, notre Père, c'est peu vous dire qu'elle vous oublie. De l'autre côté de l'enfer, il se souvient d'avoir dit oui à la passion, à la lumière, à l'amour fou, à l'infini. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. Même à genoux, même en prière, elle entend sa voix qui l'appelle. Elle voit des bateaux sur la mer, elle revoit des chambres d'hôtel. De l'autre côté de ce mur, il y a le soleil de la vie. Il y a des lèvres qui murmurent, à des lèvres assoiffées d'envie. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. Ma genoux, même en prière, elle a des frissons de désir. Tellement de sorcières l'ensorcellent que le diable y prend du plaisir. Elle a beau nouer ses cheveux sous une cornette anonyme, elle ne sait pas baisser les yeux, la peur du mal en féminine. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. Antes de ir a corte, escucharemos otra canción de Claude Barsotti. Ah, sí, Claude qui est à la fille ce soir. Que la canción se titula Sara. Y después nos pararemos un poco, por unos minutos, para dar tiempo a la estación para identificarse. ¿Ok? Y después el tren regresará con ustedes. Por favor, no se vayan y quédense en la 820 AM o en la 89.3 de FM. Las dos frecuencias más interesantes de la banda. La radio UDO, donde grandes cosas suceden en la gran universidad. On va écouter Sarah et puis on vous revient. Sarah, je t'imaginais pas comme ça. T'es toute petite et voilà, je capitule déjà. Je tombe, Sarah. Sarah, je te regarde et tu as les mêmes yeux que Vanessa. Et pour la seconde fois, je tombe, Sarah. Tu lèves aux alouettes ton petit nez en trompette, barbouillé de chocolat. Petite biche à pardeuse, sous les cris de ton papa. Toi tu joues les amoureuses, je t'aime Sarah. Dis-moi Sarah qui saura monter entre toi et moi. Des murs d'acier de béton, des murs à couper les ponts. Dis-moi moi Sarah qui saura un jour t'éloigner de moi. Moi Sarah j'ai peur déjà, je tremble Sarah. Sarah, tu lèves les yeux vers moi. La terre tremble et il me semble qu'elle se dérobe sous mes pas. Je tombe Sarah, Sarah. Je me croyais devenu grand, mais tu t'accroches à mon doigt, tu fais trembler le géant. Je tangue Sarah. Tu lèves aux alouettes ton petit nez en trompette, barbouillé de chocolat. Petite biche à pardeuse, sous les cris de ton papa, toi tu joues les amoureuses. Je t'aime Sarah, dis-moi Sarah qui saura monter entre toi et moi. Des murs d'acier de béton, des murs à couper les ponts. Dis-moi Sarah qui saura un jour t'éloigner de moi. Moi Sarah j'ai peur déjà, je tremble Sarah. Petite fille, petite dame, tu brûles tout feu, tout flamme. Ouragan déchaîné qui a tout renversé. Ma vie, mon univers, je grandirai pour toi. Je t'aime, Sarah. Je t'aime, Sarah.